Alors, on a vu qu'on pouvait facilement doubler son vocabulaire en ajoutant in devant un certain nombre de mots, comme par exemple capable, incapable, compatible, incompatible, etc. Mais parfois, ce n'est pas in qu'il faudra ajouter pour trouver le mot contraire, mais on, un, comme par exemple dans le cas de acceptable, ce qui fait que inacceptable se dira unacceptable. Unacceptable, oui, c'est ça. Donc là, c'est un peu différent du français, puisqu'on emploie un, un, et non in, in, en début de mot. Ceci dit, si vous faites l'erreur d'employer in au lieu de un, votre interlocuteur anglophone vous comprendra quand même, et vous signalera sans doute poliment votre erreur. Et bref, pour reprendre l'image chère à Michel Thomas, votre balle sera passée au-dessus du filet. Et si vous tombez sur ce mot, unacceptable, vous n'aurez aucun mal à en comprendre le sens. Alors, prenons un autre exemple de mot négatif en un. Si certain se dit tout simplement certain, ça s'écrit comme en français, mais ça se prononce certain. Comment dira-t-on incertain en anglais ? Uncertain. C'est ça, uncertain. Avec un en début de mot, uncertain. C'est l'opposé de certain, certain. Et maintenant, si habituel se dit usual, ça s'écrit U-S-U-A-L, usual, comment direz-vous inhabituel ? Et là encore, on va avoir recours à ce petit préfixe bien utile, un. Unusual. Unusual. Alors, maintenant que vous savez dire inhabituel en anglais, comment direz-vous « il est inhabituel de sa part d'arriver tard au travail » ? Alors, voyons, reprenons le début de la phrase. « Il est inhabituel de sa part » et en anglais, pour lui, dans cette phrase-ci, se dit « for him ». « It is unusual for him ». Tout à fait. « It is unusual for him ». Il est inhabituel de sa part. Et maintenant, la fin de la phrase. D'arriver tard au travail. Alors, pour dire d'arriver, on va employer le verbe précédé de to, car de se traduit par to devant un verbe. Donc, d'arriver se dira to arrive. To arrive, c'est ça. Donc, it is unusual for him to arrive tard au travail. Alors, vous savez déjà peut-être que tard se dit late, L-A-T-E. Et pour dire au travail, on va employer le mot work et suivre le même modèle que pour à la maison, at home. Donc, d'arriver tard au travail. To arrive late at work. Alors, est-ce que vous pourriez me redire la phrase en entier ? Il est inhabituel de sa part, littéralement pour lui, d'arriver tard au travail. It is unusual for him to arrive late at work. It is unusual for him to arrive late at work. Okay. Et comme vous êtes réellement surpris par son retard, vous voudrez peut-être dire « c'est incroyable ». Croire se dit « to believe ». B-E-L-I-E-V-E. Alors, comment dit-on « c'est incroyable » ? Nous voilà à nouveau avec un mot en « able ». Et là encore, le petit « on » en début de mot fera parfaitement l'affaire. C'est incroyable. It's unbelievable. It's unbelievable, oui, c'est incroyable. Unbelievable. Donc là, de la même manière que vous aviez pu déduire le mot « understandable » à partir du verbe « to understand », ici, si vous connaissez le verbe « to believe », vous n'aurez aucun mal à deviner le mot « incroyable »,« unbelievable ». Bien, alors prenons encore quelques exemples de mots en « on ». Si « oublier » se dit « to forget », comment dira-t-on « inoubliable » ? Unforgettable. Unforgettable. Inoubliable. Oui, comme les transformations que nous sommes en train d'apprendre.